Le bonus reprise mobile de SFR débarque chez Monsieur Sentimental. Tu comprends, c'est la rentrée, je dois passer à autre chose. Je vais te ramener chez SFR, je vais profiter de 100 euros de réduction et repartir avec un nouveau mobile. Chut, s'il te plaît, oh non, ne rends pas les choses plus difficiles. On peut rester amis si tu veux. À la rentrée chez SFR jusqu'au 7 octobre, c'est le moment de changer grâce au bonus reprise mobile. Rapportez votre ancien mobile en magasin et bénéficiez d'une remise jusqu'à 100 euros sur l'achat d'un nouveau modèle. Rendez-vous en magasin SFR. Offre soumise à condition. Montant du bonus variant selon le mobile éligible acheté. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, juillet 2004, l'affaire du RER D. C'est l'histoire d'un fait divers qui n'a jamais eu lieu, mais qui a pourtant fait la une de l'actualité et mobilisé les plus hautes autorités du pays pendant 3 jours, jusqu'à la découverte de la supercherie. C'est l'histoire d'un emballement médiatique exceptionnel, tant et si bien que l'expression semble avoir été inventée pour elle. Jamais jusqu'alors, en effet, on aura autant débattu sur l'interdépendance entre médias et politique, sur le statut des victimes et son instrumentalisation, sur le métier de journaliste surtout. C'était il y a 15 ans, 3 jours de juillet pendant lesquels la France entière s'indigne. Une jeune femme de 23 ans affirme en effet avoir été victime d'une agression antisémite dans le RER parisien, une agression d'une violence inouïe. Et dans le wagon, personne n'a bougé. Immédiatement, politiques et médias dénoncent la lâcheté des Français, l'antisémitisme ordinaire, l'insécurité des banlieues. Mais, 3 jours plus tard, le soufflet retombe, tout le monde est allé, semble-t-il, un peu vite en besogne. Notre invité aujourd'hui, Pascal Froissart, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8, auteur notamment de La Rumeur, Histoire et Fantasme, publié en 2010 aux éditions Belin. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chélius. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 9 juillet 2004, il est aux alentours de midi lorsqu'une jeune femme pousse les portes du commissariat d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, banlieue nord de Paris. Elle s'appelle Marie-Léonie Leblanc. Elle a 23 ans, la silhouette frêle, les cheveux courts. En état de choc, elle raconte la terrible agression dont elle dit avoir été victime ce matin même sur la ligne D du RER. Avant qu'elle ne dépose plainte, le policier qui la reçoit lui demande de se rendre à l'hôpital le plus proche pour faire constater ses blessures. Plutôt légères d'ailleurs, 10 jours d'arrêt de travail. Certificat médical sous le bras, Marie-Léonie revient donc quelques heures plus tard au commissariat d'Aubervilliers pour sa déposition. Au policier, elle raconte. Ce matin-là, le 9 juillet, à 9h30, elle prend le RERD en gare de Louvre. Accompagnée de sa petite fille de 13 mois, elle entre dans l'un de ses wagons à 2 étages. « Dès que je suis montée dans le train, déclare-t-elle, j'ai aperçu 6 jeunes s'approcher de moi, environ 15-20 ans, d'origine maghrébine et africaine. Ils se trouvaient au 2e étage. L'un de ces jeunes a descendu les marches et m'a dit « Hé, ta poussette, elle serait bien pour ma petite sœur. » Au départ, ces 6 jeunes veulent simplement la dépouiller de son sac, dit-elle. Mais lorsqu'ils découvrent son ancienne adresse sur sa carte d'identité, l'un d'eux se serait écrié « Ah, dans le 16e arrondissement de Paris, il n'y a que des gosses riches là-bas, il n'y a que des feuges. » Il se trouve que Marie-Léonie n'est pas juive. Mais ses agresseurs le pensent, et c'est à ce moment-là qu'il commence à s'énerver. Il lui griffe le visage, lui déchire son t-shirt et son pantalon avec un couteau. Puis, l'un d'eux sort un marqueur et lui dessine sur le ventre plusieurs croix gammées. « Tu vas nous laisser un petit souvenir, » dit un autre, qui au passage lui arrache une mèche de cheveux. 3 arrêts plus loin, le supplice s'arrête enfin. Les agresseurs descendent en gare de Sarcelles, renversant au passage la poussette avec le bébé à l'intérieur. Devant les enquêteurs, Marie-Léonie conclut, les larmes aux yeux, « Il y avait beaucoup de monde dans le train, personne n'a bougé. » Le procès-verbal, 3 pages bourrées de détails, est aussitôt transmis au procureur de la République. C'est que la connotation antisémite de l'agression donne à l'affaire une toute autre dimension. Et la brigade Aubervilliers le sait bien. Alors le soir même, elle se voit retirer le dossier désormais confié à la PJ de Versailles sous la direction de Jean Espitalier. Dès le lendemain, 10 juillet 2004, le commissaire demande à réentendre Marie-Léonie Leblanc qui raconte une nouvelle fois sa violente agression. La version est strictement identique. Pourtant, lors de cette audition, un détail chagrine Jean Espitalier, comme il le raconte en 2006 dans le magazine Lundi Investigation sur Canal+. La deuxième audition nous apporte quand même un élément, je ne dirais pas troublant, mais différent et qui retient notre attention dans la mesure où l'on s'aperçoit qu'il s'agit d'une agression qui a vraiment duré dans le temps. Un temps qui va durer entre pratiquement le moment où elle est rentrée dans la rame, à Louvre, et le moment où les agresseurs vont quitter la rame à Sarcelles. Donc, cette narration des faits retient quand même notre attention. En effet, selon le témoignage de Marie-Léonie, l'agression dure le temps de 4 arrêts de RER, soit environ 13 minutes. Bien assez pour que des passagers puissent intervenir directement, ou de descendre pour alerter les secours. D'autant qu'à cette heure matinale, il y a beaucoup de monde dans le RER D. Mais non, personne ne bouge, personne ne lève le petit doigt pour défendre femmes et enfants. Pire encore, ces témoins sont introuvables. Plus de 24 heures après les faits, aucun d'entre eux ne s'est manifesté. La honte de ne pas être intervenu, peut-être. Sur le terrain, les policiers continuent leurs recherches, à l'abri encore de toute pression médiatique. Mais ça ne va pas durer. De fait, ce samedi après-midi à 15h, l'information d'une agression ayant eu lieu la veille dans le RERD est déjà parvenue aux oreilles de l'agence France Presse par une source judiciaire indirecte. Comme on dit quand on ne veut pas dévoiler ses sources, comme le veut d'ailleurs la règle dans le métier. Rappelons que les journalistes qui travaillent à l'AFP ne rédigent pas des articles, mais des dépêches envoyées de façon continue sur les ordinateurs de tous les abonnés, essentiellement les quotidiens, les magazines, la radio et la télé. Et dans ce cas, le caractère violent et, selon toute vraisemblance, antisémite de l'affaire pousse les journalistes à enquêter. En fin d'après-midi, l'information est confirmée auprès de la direction centrale de la police judiciaire. Et à 19h42, l'AFP envoie sa première dépêche sur le sujet titré « Ils agressent une femme et lui dessinent des croix gammées sur le ventre ». Le récit est sec, sans guillemets ni conditionnel, authentifié par des sources policières, circulait. Pourtant, la nouvelle n'est reprise nulle part, ni au JT de 20h, ni à la radio. Mais 2 heures plus tard, tout change. Le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, informé par la PJ de Versailles, envoie un communiqué à l'AFP qui le diffuse immédiatement à toutes les rédactions de France et de Navarre. Et cette fois, la dépêche porte la mention « urgent ». Le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, a condamné samedi avec la plus grande fermeté l'agression ignoble d'une jeune femme que ses agresseurs croyaient juive vendredi matin dans le RER, dans le Val d'Oise. Monsieur de Villepin a précisé dans un communiqué du ministère de l'Intérieur qu'il avait donné instruction aux services de police de retrouver les auteurs dans les plus brefs délais après cette agression qui a été aggravée de gestes racistes et antisémites. Et la soirée n'est pas finie. Un quart d'heure plus tard, à 22h10, tombe une troisième dépêche de l'AFP, reprenant cette fois un communiqué du président de la République himself, Jacques Chirac. Il y exprime, je cite, « son effroi devant cet acte odieux, ainsi que sa profonde compassion pour la victime. Avant de conclure, je demande que tout soit mis en œuvre pour retrouver les auteurs de cet acte honteux, afin qu'ils soient jugés et condamnés avec toute la sévérité qui s'impose. » Bon, sur le fond, c'est une déclaration présidentielle qui n'engage que ceux qui y croient et qui, en rien, ne fait avancer les choses. Mais le fait que le plus haut sommet de l'État donne une résonance à ce fait divers lui confère une haute importance. D'autant qu'il intervient au lendemain du discours solennel de Jacques Chirac à Chambon-sur-Lignon. Dans ce village de Haute-Loire, devenu un symbole de la solidarité avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, Le président a appelé chacun à la vigilance face à la montée des actes haineux, insistant sur le risque de la lâcheté de la démission devant l'extrémisme. Je reprends ces mots. L'affaire, déjà rebaptisée l'affaire du RERD, semble en être le terrible exemple. Alors, dans un réflexe quasi pavlovien, la machine médiatique se met en marche. Dimanche 11 juillet, deux jours après l'agression dont Marie-Léonie affirme avoir été victime, la France se réveille au son de l'antisémitisme ordinaire, et là, sans nuance ni conditionnel. Émotion, indignation des politiques et des associations après une agression à caractère antisémite vendredi dans le RER, un appel à témoins est lancé. France Inter. Effroi, c'est le terme employé par le chef de l'État après l'agression à caractère antisémite dans le RER parisien. Dans le RERD. Une bande de jeunes s'en prend, une jeune femme accompagnée d'un bébé de 13 mois. Je prends souvent le train avec la petite, si ça m'arrivait, j'aimerais bien quand même qu'on fasse quelque chose. Il la croit juive, l'insulte et la brutalise devant une vingtaine de personnes présentes, mais apparemment terrorisées, en tout cas passives. À la station Louvre, six jeunes hommes armés d'un couteau montent dans la rame et s'en prennent à une jeune femme qui se trouvait là avec son bébé. En lui extorquant ses papiers d'identité, les agresseurs découvrent que leur victime a résidé dans le 16e arrondissement de Paris. Ils en déduisent qu'elle est juive, lacèrent ses vêtements, lui coupent les cheveux et dessinent sur son ventre trois croix gammées à l'encre noire. Comme d'habitude, comme un dimanche, les rédactions des quotidiens commencent l'écriture des articles du lundi. À la une, évidemment, l'affaire du RERD. De Libération aux Parisiens, tout le monde est sur le pont pour enquêter, recouper, vérifier, recueillir de plus amples informations sur le terrain. Car on ne sait en réalité que très peu de choses sur cette agression, hormis bien sûr le témoignage de la victime présumée, Marie-Léonie Leblanc. Alors les journalistes refont trajet de Louvre à Sarcelles, interrogent les passants, les voyageurs, les agents de la SNCF. Et une fois encore, rien. Personne n'a rien vu, rien entendu. En revanche, ils sont nombreux à parler d'une ligne à risque où les agressions seraient monnaie courante. Ah bon ? En fin de matinée, à l'Assemblée nationale, les députés, eux, interrompent leur séance de travail pour s'exprimer sur ce fait divers. Leur président, Jean-Louis Debray, ouvre le débat. C'est la France qui est visée à travers ces actes ignobles. Puissions-nous tous, nous retrouver dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. Et à ce moment-là, nous donnerions au monde et à la France et aux Français une image de cohésion nationale face à ces actes ignobles. Le coup d'envoi est lancé. Ce dimanche 11 juillet 2004, durant toute la journée, les déclarations de la classe politique s'enchaînent, unanimes, jusqu'à faire de cette agression présumée le symbole des dérives de la société française, ses fractures, les blessures infligées à son modèle républicain, tout ça, du PS à l'UMP, du Parti communiste au Front National, tous s'indignent, condamnent avec la plus grande fermeté bien sûr, et dénoncent l'horreur et fustigent autant les agresseurs que la lâcheté des voyageurs. Puis c'est aux associations de s'exprimer. La LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, déclare « Les nazis de banlieue défient la France. Les croix gammées taguées sur le ventre de Marie-Léonie se confondent avec le pire. » D'autant que les profanations répétées de cimetières juifs ces derniers temps ont profondément bouleversé les consciences. Deux mois et demi plus tôt, en effet, c'était autour du cimetière israélite de Herrlichheim, près de Colmar. 127 tombes souillées, recouvertes de croix gammées et de slogans néo-nazis. Seraient-ce les mêmes profanateurs qui ont aujourd'hui martyrisé Marie-Léonie Leblanc ? La jeune femme parle de six jeunes d'origine maghrébine et africaine, des gamins de banlieue parisienne. Pas vraiment le profil des antisémites de l'extrême droite traditionnelle, fortement soupçonnés dans ces cas de profanation. Alors, certains nomment déjà le phénomène, évoquant la « nouvelle judéophobie des banlieues », terme emprunté au politologue Pierre-André Taguieff. D'autres multiplient à l'envi les références à la Seconde Guerre mondiale, comme le président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, interrogé au journal de 13h sur France Inter. Il y a deux scandales. L'infamie de s'attaquer à une femme avec un enfant absolument sans défense en plein jour. Tout ça est absolument odieux, insupportable. Et la deuxième chose totalement insupportable, c'est que s'agissant d'une personne qu'on agresse, quelles que soient les origines ou pas de l'intéressé, en disant qu'on fait ça par antisémitisme, il y a un wagon, il y a un quai et personne ne bouge. Et ça, alors, je veux dire, la France n'a pas donné l'exemple pendant la guerre de 40. Elle a été quand même le seul pays qui ait donné des enfants à déporter. Et alors maintenant, alors on laisse des gens se faire attaquer comme ça, sans réagir, sans rien faire. Sur le terrain, la PJ des Yvelines est désormais soumise à la pression des médias, des politiques et de leur hiérarchie. Et l'enquête n'avance pas. En milieu d'après-midi, on décide d'entendre une nouvelle fois Marie-Lenis Leblanc. Les policiers relèvent plusieurs éléments troublants dans sa déclaration. Par exemple, la jeune femme parle d'agression au couteau. Pourtant, ses plaies restent très artificielles. Les policiers remarquent également que les croix gammées sur son ventre ont été dessinées à l'envers. Et puis, toujours cette question lancinante, comment se fait-il qu'on n'ait encore retrouvé aucun témoin oculaire ? Jusqu'à 23h, ce soir-là, 83 policiers sont toujours mobilisés et enchaînent les enquêtes de voisinage. En vain. Et puis, l'espoir renaît. Ils reçoivent enfin les bandes vidéo des caméras de surveillance des gares de Louvre et Sarcelles, soit une centaine de fichiers à décrypter. La nuit promet d'être longue. Tout comme pour les journalistes des quotidiens d'ailleurs, qui décident des gros titres du lendemain. Lundi 12 juillet. Trois jours après la plainte déposée par Marie-Lenis Leblanc pour agression antisémite, l'affaire s'étale en une de tous les journaux, sans exception. Le train de la haine, titre Le Figaro, avec en sous-titre « À la lâcheté des voyous antisémites a répondu la lâcheté des passagers du RERT ». Ambiance. Le journal Libération, lui, consacre son édition à l'antisémitisme, une histoire française. Tel est le titre. Au fil d'un article qui relate les faits de l'agression, on peut lire. Au bout d'un quart d'heure de mauvais traitements, les six noirs et beurre infligent un coup de pied à la jeune blanche et la laissent à terre. Puis ils balancent la poussette sur le quai et le bébé roule sur 3 mètres. Ce qui montre une fois de plus que l'agitation médiatique s'accorde mal avec la déontologie du journaliste. Comme en témoigne, quelques mois plus tard, très honnêtement, la chef du service politique de France Inter, Hélène Jouan, qui commente, a posteriori, son intervention dans le journal de 8h, ce lundi 12 juillet 2004. Je prends une petite précaution oratoire, effectivement, lundi matin dans la chronique, pour dire... Pour l'instant, ce qu'on sait de cette agression nous permet de dire que, sauf que je fais quand même 2 minutes pour parler du racisme en France, de l'antisémitisme, etc. L'unanimité des réactions à droite et à gauche dit assez que personne ne s'y est trompé. Il s'agit bien, une fois encore, une fois de trop, de l'expression d'un sentiment barbare qui gangrène notre pays, l'antisémitisme. En banlieue nord, la PJ entame sa 3e journée d'enquête. Quelle espère décisive. À 9h, ce lundi matin, quelques centaines de policiers déboulent dans le RERD à la recherche, encore et toujours, d'un témoin direct. Miracle, ils en trouvent un. Il s'appelle Jean Valoise, voyageur régulier, tout comme Marie-Lenis Leblanc. Oui, il a bien perçu la jeune femme en gare de Louvre, vendredi dernier. Elle pleurait, toute seule, sous l'abribus, une poussette à ses côtés. Il était aux environs de 9h30, il en est sûr, puisque, comme tous les matins, il a pris son train à 9h37, direction Garches, Sarcelles. Marie-Léonie, elle, est restée à quai. C'est un témoignage capital pour les enquêteurs, car il contredit le scénario de la victime présumée. Et ce n'est pas le seul. En fin de matinée, les résultats de l'analyse des images de vidéosurveillance tombent. Et sur les bandes, il n'y a rien. Non, pas de groupe de 6 individus d'origine maghrébine ou africaine qui descendent du train à gare Charcel. Pas non plus de Marie-Léonie et de sa poussette dans la minuscule gare de Louvre. Enfin, dernière preuve, s'il en fallait une, les relevés du téléphone portable de la jeune femme montrent qu'à l'heure où elle dit avoir été agressée, elle passait des appels en gare de Louvre. Elle n'a donc pas pris le RERD ce matin-là. Une information qui n'est visiblement pas remontée à Matignon. Au journal de 13h, ce lundi, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, silencieux jusque-là, s'exprime à son tour, mais, si j'ose dire, avec un train de retard. La police et la justice sont mobilisées pour que soient arrêtés et châtiés le plus rapidement possible les auteurs d'actes aussi indignes. L'antisémitisme est une honte. Nous voulons combattre cette forme de racisme insupportable. Mais il y a aussi un mal dans notre société. C'est l'indifférence face à la violence, face à la lâcheté des agresseurs. L'intervention des spectateurs est une réponse. J'appelle au courage citoyen pour que nous puissions tous résister à cette circulation dans la société de la violence. Il faut que le courage soit plus rapide que la violence. Alors même que l'effervescence politico-médiatique atteint son paroxysme, le scénario de Marie-Léonie, lui, s'effondre. Pourtant, Nicole Gage, la secrétaire d'État aux droits des victimes, omniprésente dans les médias, persiste à relayer la parole de Marie-Léonie Leblanc, lui apportant ainsi caution et solidarité. Alors, on nous ment ? Souvenez-vous, c'était en juillet 2004. Commissariat d'Aubervilliers, des positions, c'est Marie Leblanc qui porte plainte pour agression contre une demi-douzaine de méditerranéens, sanguinaires, maghrébins qui n'avaient rien de caucasien. En effet, même si la mémoire vous fait défaut, quels sont les faits? Qui sont ces fous? Quel trajet avez-vous fait? Marie raconte qu'en ce 9 juillet 2004, elle se rendait à la plus au nord de toutes les gares. Embarquement 9h37, station Louvre. Sous le wagon, la pression souffle et les portes s'ouvrent. 20 personnes sont dans la rame, un mélange de français, de souches, de noirs et d'arabes. En parlant d'eux, ils m'ont fusillé des yeux, monsieur. Je n'ai jamais eu aussi peur de la banlieue, monsieur. D'autant plus que je transportais l'enfant que j'avais durement mis au monde 13 mois auparavant. C'est d'ailleurs le sujet qui amorcera la discute. Ou bien devrais-je plutôt dire la dispute, prétextant que la poussette irait bien à sa sœur. Ma dignité a fait les frais du premier agresseur. Un second trouve ma carte en fouillant dans mon sac. Mon adresse postale m'amène dans un cul-de-sac. Tu sais que c'est la façon dont j'avale ma salive lorsqu'il précise que le 16e est rempli de juifs. 13 minutes dans un train d'enfer. Démoniaque signifie le D de ce RER. Titre de ce journal, une jeune femme dans un RER a été agressée par 6 hommes parce qu'ils la croyaient juive. La France est sous le choc. Indignation générale, condamnation après une agression à caractère antisémite dans le RER au nord de Paris. C'est un acte épouvantable. De tels actes sont inadmissibles. Ça ne doit pas exister. C'est la France qui est visée à travers ces actes ignobles. Le certif médical et le procès verbal seront transmis d'Aubervilliers à la PJ de Versailles. En raison du caractère antisémite de l'affaire, il faut faire sortir cette histoire du rayon fait divers. Les enquêteurs subissent une triple pression hiérarchique, politique et publique opinion. Chirac en personne a fait part de son effroi. De Villepin et Nicole Gage relayés par les médias. À aucun moment le conditionnel n'est employé, ni par la classe politique, ni par les chaînes télévisées. Pourtant, les enquêteurs n'ont d'autre preuve qu'une parole. Pour eux, c'est désormais une histoire qui ne tourne pas rond. À l'audition, les enquêteurs mettent la pression. Ils veulent voir clair en confrontant les deux versions. 3 jours plus tard, la dépôt devient poteau rose. Marie Leblanc a menti parce qu'elle est amoureuse. Depuis le début de l'enquête, aucun témoin n'a corroboré les déclarations de Marie. La jeune fille dit s'être adressée à un agent SNCF après son agression. Aucun employé ne s'en souvient. Elle dit avoir été réconfortée par un couple. Il reste introuvable. Les 6 agresseurs seraient descendus en gare de Sarcelles. Aucune des caméras situées sur le quai ne les montre. Prudence donc des enquêteurs qui se sont penchés sur la personnalité de la victime. Depuis janvier, Marie a porté plainte 6 fois pour vol et agression sexuelle. Aucune n'a abouti. Pour l'instant, cela ne fait pas de la jeune fille une affabulatrice, mais hier soir, les politiques, justement réunis pour dénoncer cette agression, commençaient à douter. Mardi 13 juillet 2004. 4 jours après l'agression dont Marie-Léonie Leblanc déclare avoir été victime, le doute s'installe. Désormais, dans les médias, la plus grande prudence semble s'imposer et le conditionnel reprend ses droits. Marie-Léonie, elle, est placée en garde à vue. Dans les locaux de la PJ de Versailles, face à ces contradictions, la jeune femme de 23 ans finit par craquer. Oui, elle a menti. Non. Il ne s'est rien passé vendredi dernier dans le RERD. Elle a tout inventé, tout imaginé. Voilà. Seul motif invoqué pour l'instant, la jeune femme serait sujette à la mythomanie. J'ai eu un coup de solitude, dit-elle. Eh bien, ça ne fait que commencer. La garde à vue, en effet, prolongée pour dénonciation de délit imaginaire. à 18h45, ce mardi 13 juillet. Après 3 jours d'indignation collective, l'AFP répand la nouvelle « L'ignoble agression n'était qu'un horrible mensonge ». Un nouvel épisode de l'affaire du RERD s'ouvre alors, celui des mea culpa. À commencer par ceux des politiques. Comment affrontent-ils la nouvelle, eux dont la réaction ultra rapide et pour une fois unanime a été si remarquable? Eh bien, la parole est donnée au président Chirac. C'est quand même lui, le premier des Français, qui en premier a validé le récit de cette agression. À l'occasion de la traditionnelle et monarchique feu interview du 14 juillet, il répond aux Français. C'est une affaire regrettable à tous égards. Mais je ne regrette pas. Nous sommes dans une période où nos compatriotes juifs ou musulmans, ou d'autres même, tout simplement parfois des Français en certains endroits, sont l'objet d'agressions au seul motif qu'ils n'appartiennent pas à telle ou telle communauté. C'est inacceptable, ce qui veut dire qu'il faut vigilance et mobilisation. Alors, dans ces périodes, il peut y avoir naturellement toujours des situations de manipulation. Eh bien, quand il y a manipulation, il faut tout simplement que le manipulateur soit sanctionné avec toute la rigueur de la loi. Nos compatriotes, juifs, musulmans ou d'autres, même des Français. Personne ne manquera de souligner la formulation malheureuse. Pour le reste, le président juge cette affaire regrettable, mais sans rien regretter de ses propos. Une ligne de défense qui va d'ailleurs être suivie par l'ensemble de la sphère politique et qu'on pourrait résumer ainsi, si cette agression n'était pas vraie, elle était vraisemblable. En d'autres termes, le scénario de Marie-Léonie était possible, plausible, or elle a menti, certes, mais elle ment en vrai. Et ça change tout, jusqu'à faire dire au député socialiste Dominique Strauss-Kahn sur France 2 « Un coup monté, cela ne changerait rien au fait que c'est la 10e ou 20e agression de ce genre. » Même son cloche du président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, qui déplore le mensonge sans que cela n'enlève en rien aux agressions antisémites de ces derniers temps. Cela n'enlève rien non plus aux accusations hâtives. Les représentants de la communauté musulmane dénoncent la stigmatisation permanente des jeunes issus de l'immigration maghrébine ou africaine, ces éternels boucs émissaires. Dans le journal Libération, le chroniqueur Pierre Marcel écrit « Il devient légitime et nécessaire de s'interroger sur certaines propensions des plus hautes autorités à réagir avec une hâte irresponsable, au point d'en devenir criminelle en ce qu'elle exacerbe les peurs communautaires. Il oublie juste les médias. Mais ça ne dure pas. Au lendemain de la révélation de la supercherie, l'autocritique des journalistes figure en bonne place, parfois la une même. Libération dit s'être trompé avec tout le monde. Ça rassure, faute partagée, faute pardonnée. Le Monde, lui, reconnaît avoir commis une faute, tout simplement. Dans la foulée, nombre de commentateurs fustigent la dictature de l'émotion et l'ère de la victimomania. Le 14 juillet, le journaliste André Bercoff écrit dans François un édito percutant. Manipulation, mythomanie, délire, on ne sait par quel qualificatif prendre cette lamentable histoire du RERD qui, si elle ne mettait pas en jeu une réalité bien inquiétante, pourrait servir de scénario à un bon polar à la Hitchcock, bien évidemment intitulé « Mais qui n'a pas violé Marie ?» L'unique protagoniste de l'affaire a entièrement inventé celle-ci et a, en même temps, lancé un pavé de taille dans la mare médiatico-politique. C'est pourquoi il nous appartient à nous autres transmetteurs et haut-parleurs d'être particulièrement minutieux et de ne pas nous jeter sur l'os de la première dépêche venue comme un pitbull aveugle. Mais pour Marie-Léonie Leblanc, il faudra un peu plus que de bons mots. Car le mensonge pourrait lui coûter cher, très cher. Elle est poursuivie pour dénonciation de délit imaginaire. Elle encourt une peine de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. En tout cas, ce sont bien les auditions de la jeune femme qui ont permis aux enquêteurs de reconstituer le scénario de la fabulation. Le matin de la pseudo-agression, vendredi 9 juillet, alors que son compagnon était au travail, la jeune femme se retrouve seule avec sa petite fille de 13 mois dans leur pavillon de Louvre. Presque sans réfléchir, elle se munit d'un couteau de cuisine pointu avec lequel elle se griffe le corps, lacère son pantalon, son t-shirt et le landau de son bébé. Elle se coupe également une mèche de cheveux et dessine sur son ventre 3 croix gammées au marqueur bleu. Voilà. Mais enfin, pourquoi ? Par amour, explique-t-elle. Oui, pour attirer l'attention de son compagnon, pour son on s'occupe d'elle. Mentir pour être aimé, un vieux classique de la mythomanie. La mythomane, d'ailleurs, c'est le nom que lui donne désormais la presse, qui dresse son portrait à grand renfort de témoignages d'anciennes camarades de classe. C'est donc à son tour, maintenant, de faire son mea culpa. Le 17 juillet, 4 jours après la révélation de son mensonge, la France découvre la frêle silhouette de Marie-Léonie. À la télé, en contre-jour, elle lit des excuses publiques. Je suis profondément désolée de tout ce qui est arrivé par ma faute. Je présente mes excuses à Monsieur le Président de la République, à Madame Nicole Gage et aux personnes qui ont manifesté leur soutien sur mon mensonge. Je regrette cet acte et je demande pardon à tous ceux que j'ai trompés et blessés. 10 jours plus tard, le 27 juillet 2004, Marie-Léonie est reconnue coupable de dénonciation de délit imaginaire et condamnée par le tribunal correctionnel de Pontoise à 4 mois de prison avec sursis. Une peine clémente pour cette jeune fille au visage angélique. Elle n'a que 23 ans, un bébé 13 mois, une enfance marquée par des séjours répétés à l'hôpital, un BTS inachevé, pas de travail. Est-ce la fin de l'histoire ? Non. L'affaire entre dans les annales, et même au cinéma, avec une adaptation d'André Téchiné, La fille de RER, sortie en 2009. Voilà une affaire qui ne cesse de nous interroger sur la manipulation de l'information, que ce soit de la part des politiques ou des médias. Mais elle pose d'autres questions. Pourquoi Marie-Léonie, par exemple, a-t-elle désigné comme coupable des jeunes maghrébins et africains ? Eh bien, quand on les voit à la télé, c'est toujours eux qu'on accuse, répond-elle au juge. Spending my days translucent, internet of everything, hanging at strangers. That's the way that we begin, staring at the sun, thinking it's the moon. Tiny indication it's gonna happen soon. Not like you expect, silhouettes are getting closer. Bring you what you need, never what you hope for. I guess by now they should have told you. I guess by now they're getting closer. Sensible, Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui pour commenter, parler, expliquer cette histoire de fausse agression dans le RERD en juillet 2004, Pascal Froissart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 8. Vous êtes l'auteur notamment de La Rumeur, Histoire et Fantasmes, livre publié en 2010 aux éditions Bella. Alors, l'affaire du RERD, rebaptisée ensuite l'affaire de la fausse agression du RERD, est souvent présentée comme un cas d'école en termes d'emballement médiatique. Êtes-vous d'accord ? sur l'emballement médiatique. On parlera ensuite de la rumeur ou du fake news, mais sur l'emballement médiatique. Qu'est-ce que c'est un cas d'école ? Alors, oui, dans le sens où, à l'époque, précisément, dans les années 2004, 2005, 2006, le mot emballement, le concept, l'idée d'emballement est quelque chose qui est très à la mode. Il n'y a pas que cette histoire-là qui est qualifiée d'emballement. C'est un concept qu'on travaille à ce moment-là. Enfin, pas juste les scientifiques, mais aussi probablement les journalistes. La société française travaille le mot emballement et se sert donc pour décrire ce cas-là, du mot emballement, alors qu'on aurait très bien pu l'appeler par plein d'autres mots. Vous en avez parlé, hein, une affaire, une rumeur, manipulation. Une manipulation, enfin tous ces mots qui sont pas totalement synonymes, mais qui se font la concurrence. Et il se trouve en tout cas que ce cas-là a vraiment donné naissance, peut-être pas, mais en tout cas a accompagné la mode du mot emballement qui depuis a beaucoup décru. On parle beaucoup moins d'emballement médiatico-politique ou et pourtant c'est pas les affaires qui manquent, hein, bien sûr, mais le terme ou cette projection que l'on fait sur quelque chose qui est une affaire en fait microscopique mais qui prend des proportions gigantesques, ce terme-là d'emballement était supposé décrire ça. Donc c'est pour ça que c'était un cas d'école. Maintenant, des faits divers comme ça, il y en a plein. Des affabulations, il y en a plein. Des fausses alertes, il y en a plein. Donc c'est pas la vérité même qui est un cas d'école. C'est plutôt comment on l'a qualifié à ce moment-là. Bien. Donc emballement, on travaille beaucoup autour de cette notion-là, à cette époque-là. Est-ce que, pour autant, cette affaire-là a été une prise de conscience de ce qu'il ne faut plus faire ? Ou salutaire, sûrement, oui. Vous avez bien mis en avant l'intrication complexe entre, d'un côté, des politiciens qui se sont saisis de cette affaire-là très très très rapidement, des journalistes qui ont suivi, en fait, et qui ont été pas très précautionneux, une justice lente, mais elle est normalement lente, la justice, par définition, elle est lente. Et donc, on voit que en cela, c'est pas très, comment dire, singulier, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on revoit. Alors, néanmoins, on peut se poser la question du pourquoi les politiciens ont-ils sauté sur l'occasion pour immédiatement faire des grandes leçons de politique et se dédouaner très peu. Vous l'avez bien montré. Donc, pourquoi, à votre avis ? Pour occuper la scène ? Alors, pour occuper... oui, il y a une chose que vous n'avez pas assez soulignée, c'est qu'on est au mois de juillet. Au mois de juillet, il y a des choses qui l'actualité redescend finalement. Ouais, il y a une forme de l'été arrive, il y a une forme de léthargie rédactionnelle, événementielle, etc. Et donc à l'époque l'actualité était calme et donc il suffisait d'une petite étincelle comme celle-là très évanescente pour faire un véritable événement médiatique. Mais c'est vrai qu'il faut le rappeler, vous avez raison. Et donc par exemple, enfin l'affaire Benalla. C'est aussi l'été. L'été est propice à ce genre de grandes discussions autour d'une table de camping et d'une partie de pétanque. Enfin, je ne veux pas caricaturer le monde politique, mais c'est-à-dire que le fait que l'actualité politique ralentisse fait que des micro-événements peuvent ensuite servir véritablement un agenda qui était réel. Hein. Vous avez vu, tout le gouvernement s'est mis comme un seul homme derrière cette affaire-là. Pour en faire un discours politique, nous sommes compétents en matière d'antisémitisme, nous sommes présents pour lutter contre les affaires de racisme, etc., y compris en disant quelquefois des âneries comme si les musulmans n'étaient pas français ni les juifs. Oui. Alors, où sommes-nous exactement ? Je vais préciser ma question. Dans quel domaine sommes-nous ? Fake news, j'en ai pas l'impression, parce que dans la notion de fake news, il y a une construction volontaire pour nuire. Ça peut faire partie du complot aussi, le fake news. Ça peut être simplement un canular qui ne fait rire que leurs auteurs. Donc je suis pas sûr qu'on soit dans le fake news. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est pour autant dans la rumeur? Oui, bien sûr, mais j'ai envie de dire non, bien sûr. Alors j'attends l'avis du sociologue sur ces concepts-là. Tous ces termes, malheureusement, sont extrêmement poreux, au sens où ils se ressemblent tous, ils sont tous un petit peu différents. Vous n'avez pas, par exemple, parlé du hoax qui a eu son moment de gloire au début des années 2000. Tous ces mots-là, intox, désinformation, rumeur, canular, emballement, embrasement, se ressemblent, désignent cette idée que l'on se fait d'une nouvelle anecdotique qui prend trop d'importance. Et on voit que donc ça véhicule une série de valeurs valeurs qui sont compliquées. Qu'est-ce que ça veut dire une valeur, une affaire qui a de l'importance ou pas? Comment fait-on pour mesurer l'importance d'une affaire? Un fait divers ne doit-il que rester à l'état de brève dans un quotidien, mmh. ou est-ce que on peut se permettre de faire des grandes pages et dans un journal télévisé, évidemment, la même chose, faire des grands reportages. Donc toutes ces notions-là sont compliquées à utiliser. Elles se font toutes concurrence. On ne peut pas vraiment. Aujourd'hui, là, le mot fake news, par exemple, a le vent en poupe, mais ça durera pas. Le mot rumeur a eu le vent en poupe dans les années 80, et on en parle désormais moins. Donc on voit que c'est cette concurrence entre les concepts fait que nous, comme spectateurs de cette actualité-là, on est un peu perdus, mais en même temps, c'est toujours la même idée que l'on travaille. Ouais. L'idée que le monde de l'information nous échappe, que les journalistes sont dans un monde, dans une tour d'ivoire, que les politiciens sont également dans une tour d'ivoire, on voit que ce sont quand même toujours les mêmes stéréotypes. Et toute cette affaire-là, pour moi, est très intéressante sur ce plan-là. C'est que, en fait, elle tourne autour d'idées qui sont quand même reçues, véritablement évidentes, y compris d'ailleurs dans la désignation de la pauvre jeune femme mythomane, comme s'il n'y avait que les jeunes femmes qui étaient mythomanes et pas les ministres qui disent qu'ils n'ont pas de compte à l'étranger. Donc la mythomanie, c'est pas quelque chose qui est proprement féminin et pas proprement jeune. Et même chose sur la banlieue, tous les stéréotypes qui ont été déversés sur la banlieue, dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça ne se passe pas en banlieue qu'il n'y a pas des choses graves qui se passent en banlieue. Donc toute cette affaire-là est dérangeante, en fait, parce que elle est par le mélange aussi. Voilà, elle est trop proche du mélange. Cela dit, là, on a l'air d'être choqué en disant, mais les journalistes ont suivi comme un seul homme les politiques. Mais enfin, avant qu'on sache que c'était un mensonge, il y a quelque chose de légitime d'un point de vue démocratique. Parce que la démocratie, elle a pour mission de générer du débat tous les jours. Et il y a un débat, et c'est normal. Vous avez raison. En même temps, c'est un débat qui est un peu vicié au sens où on attend des preuves. Le premier récit qui nous est donné, c'est un récit implacable, une agression lâche. Tout y est. Donc là, la discussion, elle est viciée. On peut pas discuter là-dessus. Certes. On peut pas dire qu'est-ce qu'il y avait à dire. Il y avait rien à dire. En revanche, la discussion a posteriori, ce qu'on a appelé ensuite, par exemple, le media culpa, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, les journalistes se sont dit, mais enfin, franchement, on s'est fait avoir, on est allé trop loin, on est allé trop vite. Ça, c'est intéressant parce que ça donne une véritable réflexion sur le métier de journaliste, la concurrence des journalistes, y compris la concurrence à l'intérieur donc du métier, ce qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais il y a une hiérarchie entre les titres, tous les titres. Là, vous avez vu que la presse parisienne, par exemple, a été très très très en pointe, et pas la presse régionale qui existe pourtant. Toute cette hiérarchie entre les titres, elle fait que aujourd'hui, en tout cas, les effets de meute, les effets d'emballement, d'embrasement peuvent s'expliquer a posteriori. C'est le a priori qu'il faut travailler encore. Alors, le media culpa, on va en reparler dans 3 minutes. Soft spoken with a broken jaw. Step outside, but not to brawl. Froissart. Nous sommes là pour que vous nous aidiez à réfléchir autour des conséquences d'un mensonge comme celui de la jeune fille qui prétendait avoir été agressée dans le métro, qui prétendait que c'était une agression antisémite, comme quoi, imprégnée de l'actualité, elle avait compris que dès lors qu'on disait que c'était antisémite, c'était important. Et évidemment que ça crée une émotion légitime. Et puis, est arrivée la période de ce que vous appelez le média, ce qu'on appelait le média culpa. C'est intéressant. Donc, les journalistes, on s'est trompé, c'est notre faute, notre très grande faute. Ça dépend, hein. Ça dépend. Politique et médias ont cherché effectivement à s'excuser pour certains, d'autres à s'expliquer. On va écouter à ce sujet une archive extraite du magazine Lundi Investigation, diffusée en 2004, année des faits. C'est Thierry Porte qui parle, journaliste au Figaro. Il revient sur son travail au moment des faits. J'étais très prudent. J'ai passé mon temps à dire il faut pas en faire trop. Et ça s'est terminé en fin de journée parce que je m'ouvrais mes doutes à la personne qui était chargée de l'édition jour-là, qui me dit, je me souviens de sa formule, on est couvert par Chirac. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que à partir du moment où le ministre de l'Intérieur, le président de la République, toute l'Assemblée nationale, toutes les associations, tout le monde a parlé, c'est impossible de freiner. Alors, que vaut cette argumentation, selon vous ? Ah, oui, elle est indéniable. Le fait est que c'est souvent ce qui se passe avec les rumeurs, c'est que les rumeurs soient vraies ou fausses, elles circulent. Et ça, c'est un fait, le fait qu'elles circulent. Alors, le danger, c'est que lorsqu'on est journaliste et qu'on a donc la possibilité de rendre public des choses qui sont comme de ce type-là, d'une rumeur qui circule, quand on atteste de sa circulation, on ne fait pas juste attester sa circulation, on lui donne une audience, on lui donne une existence qu'elle n'a peut-être pas. Et par conséquent, l'argumentaire, le plaidoyer est parfait. Néanmoins, c'est une affaire qui échappe finalement le journaliste. C'est une affaire qui concerne le champ journalistique, c'est-à-dire tout l'ensemble des journalistes ont été piégés par cette affaire-là. Et c'est pas un journaliste qui aurait pu arrêter le train médiatique. C'est l'ensemble, c'est des règles. Il faudrait mettre des règles dans ce champ journalistique, et c'est très compliqué de rajouter des règles à des règles qui existent déjà. Alors, à quel moment parle-t-on d'emballement ? Je dirais, est-ce qu'il y a une mesure qui dit, avant, c'est pas l'emballement, puis à partir de là, c'est l'emballement ? Et alors, ça, c'est dans le terme même emballement, c'est ça qu'on prétend que ça nous échappe. Et on parle d'emballement à partir du moment où on n'arrive plus à le mesurer. Tant que c'est une ou deux ou trois citations, ça va. Les emballements médiatiques, on les nomme ainsi. Les affaires qui sont nommées emballements médiatiques, c'est à partir du moment où elles échappent finalement au comptage, à la dénomination par le nombre. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, dans une société extrêmement numérique, le décompte du nombre de vues, le nombre d'impressions, comme on dit dans le métier, le nombre de copies, avant on le faisait en presse, est quelque chose qui est devenu mais fondamental. Le nombre de likes sur les réseaux sociaux, le tweet, le nombre de retweets, le nombre de favoris, de j'aime, de machin comme ça, fait que tout d'un coup, on va dire, ah mais voilà, il y a une fake news. En fait, la fake news, c'est le fait que, en dessous de la nouvelle que vous lisez, il est marqué 12 millions de vues sur cette chose-là. Ouais. Et le fait qu'il y ait millions, tout d'un coup, on dit, ah, mon Dieu, c'est donc important. C'est vrai, c'est important. Voir c'est vrai, quoi. Parce que c'est important. Vrai, on ne sait pas. Oui, mais bon, ça peut sous-tendre ça. Ça atteste de l'événement. Il y a un événement qui se fait par le nombre. Et ça, c'est le principe de tous les concepts qu'on a vus ensemble. C'est-à-dire, la désinformation, il y en a tout le temps. Mais tout d'un coup, on va parler de la désinformation ou la rumeur ou le canular, lorsque tout d'un coup, on a l'impression que ça circule par milliers, par centaines de milliers, par millions d'exemplaires. Et en fait, c'est pas le contenu qui compte tant que la circulation. Et ça, c'est un éloge de la trace que je voudrais faire. Il y a un bouquin qui vient de sortir là, d'un de mes collègues qui s'appelle La Fabrique de la Trace, qui prétend justement montrer combien aujourd'hui la trace de nos messages prime finalement, enfin pas prime, mais prend une importance qui est radicalement différente de ce qu'on a vécu jusque-là, où on s'attachait plus au contenu et moins à la circulation, finalement. La circulation devient quelque chose d'extrêmement important. Pascal Froissart, moi je marche un peu sur des œufs, parce qu'en 2004, je présentais le 13-14 de France Inter, et je suis quasiment certain que je suis tombé aussi dans le piège, comme tous mes confrères. Est-ce que le conditionnel, que j'ai probablement employé, comme mes confrères, est une vraie précaution ou une commodité ? probablement une commodité. Elle est indispensable. Hein. Elle est indispensable parce que sinon, effectivement, vous passez du côté de la loi, de la diffusion de la fausse nouvelle. Il existe des lois, hein, quand même. La diffusion de fausse nouvelle est quelque chose qui est gravement sanctionnée quand elle est avérée. Elle l'est peu parce que c'est extrêmement difficile. Sinon, il y aura pas tant de fake news qui traînent. Hein. Oui, probablement. Mais néanmoins, aussi, le fait est que de légiférer sur l'information est quelque chose de compliqué parce que plus on légifère et plus on s'approche de la censure. Néanmoins, si on se posait la question maintenant de savoir comment faire pour que dans le futur ce genre d'événement-là ne se repose pas, évidemment il n'y a pas de solution miracle, hein, on n'arrivera pas à en faire qu'il n'y a pas d'affabulation, pas de fausses accusations, de manipulation, tout ça, il va y en avoir. Et pour éviter, on ne peut pas faire par la censure finalement le ménage en disant bon voilà, il faudrait que ne parler sur les antennes que ce qui est jugé. Heureusement. Voilà, donc il existe. Néanmoins, par exemple, au Québec, des modes de faire, des manières de faire qui sont intéressantes. Mais je ne sais pas si elles sont importables, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe, c'est intéressant. Par exemple, il existe des ordonnances de non-divulgation. On peut demander, lorsqu'on est une victime, lorsqu'on est... d'ailleurs, n'importe qui peut demander une ordonnance de non-divulgation. Auquel cas, les journalistes ne peuvent pas continuer à écrire. Si un juge l'a prononcé. Oui, bien sûr, il faut qu'un juge prononce l'ordonnance de non-divulgation. Et effectivement, si un journaliste, quel qu'il soit, retweet une information qui est soumise à cette ordonnance de non-divulgation, il est pénalement, enfin peut-être pas pénalement, mais en tout cas judiciairement responsable devant la loi. Et là, on voit qu'il y a d'autres manières de faire. Et c'est pas totalement de la censure, c'est pas totalement du contrôle de l'information, puisqu'il y a un juge tout de même. Mais bon, c'est quand même très problématique. Oui, et bah oui. Il existe encore des avenues possibles qu'il faudrait explorer pour éviter que ce genre de grosses affaires comme ça mobilisent l'information, mobilisent le corps politique. Hein, c'est ça qui est un peu terrifiant, c'est que, mon Dieu, il y avait des sujets plus importants à traiter à ce moment-là. En plus. Hein, et pourquoi est-ce qu'on a mobilisé l'opinion là-dessus? Donc, il y a encore du progrès à faire en termes législatifs, sûrement, en termes journalistiques, certainement, et peut-être un peu de décence politique. Alors, puisque vous parlez de décence politique, une dernière archive, on va écouter Nicole Gelge, alors secrétaire d'État aux droits des victimes, qui revient sur l'affaire après la révélation du mensonge. Vous allez l'entendre, elle estime avoir toujours été dans son rôle. Tout l'intérêt est de pouvoir, dans certains gestes que vous voyez, vous, ou que d'autres ne voient pas, manifester cette proximité de l'État, qui aujourd'hui considère, ce qui n'était pas le cas avant, qu'une victime ne doit jamais être seule et qu'elle ne doit jamais se sentir seule concernée. C'est ça la question. Quel que soit son récit. Quel que soit son récit. C'est aux policiers, c'est aux enquêteurs à faire leur travail pour aboutir à une manifestation de la vérité, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas le débat. Victimomania, on va appeler ça, cette façon de réagir. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration et de la... Là, on n'est pas du tout dans l'excuse. Hein. Non. Oui. Ben, y a une forme d'inhibition du politique vis-à-vis du fait divers, vis-à-vis du sens commun. Je me rappelle d'un président de la République se saisissant d'un fait divers, là, le Papivoise. C'est emblématique. Qui dit-on, aurait pu faire un transfert de voix vers le Front National le 21 avril 2012. Exactement. Et donc on voit que donc le politique, enfin les politiciens n'ont pas beaucoup de réserves. Alors je parlais de décence, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas ils n'hésitent pas à parler du fait divers pour dans des termes électoraux, dans des termes de pour convaincre l'opinion de du bien fondé de leurs actions. C'est un peu problématique. Bien. Merci infiniment, Pascal François, pour cette analyse autour de cette histoire qui finalement en raconte d'autres. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. L'agression, la fausse agression dans le RERD, l'émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Arnaud Caillet qui était à la technique aujourd'hui.